Come on. En haut des montagnes, un nouveau jour, une autre merveille. Les sons s'éveillent, réveillent les paysannes. Sage et mage, toi, Anne-Belle, des compagnes. Un trait, une parenthèse, un rien. Bonjour à toutes celles que j'ai aimées. Intenses resteront les moments qu'on a pu partager. Merci à Borina pour les sons qui nous composent. Un peu de lumière dans ce monde morose. Ose me dire que le tien est rose. Ton doigt sur pause, pose, écoute cette prose et cause. Remonte à des années-lumière, les instants d'innocence. Je pense à mes frères, besoin de présence. Trop décennies dure l'absence. À nos vies, j'aimerais pouvoir donner un autre sens. Un autre sens. Je marche accompagné, toujours bien armé. D'années dans ma vie, j'ai tout donné. Implore le pardon, cherche pas de galant. Conscient que je suis un étalon, j'ai du talent. 2-0-0, c'est notre rang. Poteau aiguisé, vos plombs. La route à parcourir reste de l'encre. Pour les miens, je n'arrive pas que louange. Ange ou démon, ma présence s'y dérange. Je sais qui je mange. Dans les méroles de l'abîme de mes pensées, trop de balles, je t'invite à fouiller. Bah, prends ta gueule, va pisser. Tout échange, moi et mon plan. Triste du Bruxelles des continents. Y'a que ma pensée, d'où provient mon inspiration. En haut, reste ce O-N-G-O. Marche à deux, R-O-S-H noir jusqu'au trou de balle. L'homme à l'est animal, l'élément le plus fou. Contre la distance, ne cherche pas les poux. Mon ombre sur le rap plane. Mes rimes au micro, je m'attelle. Rouge, nos voix cannes. Tiré sous la sonnette d'alarme.